semaine dernière, les scientifiques découvraient estomaquer des microplastiques dans des glaciers multimillénaires des Alpes et des Pyrénées. Tout juste 2 mois après avoir retrouvé des microplastiques dans ce qui fait office d'estomac, à des mini-crustacés vivant à 11 km de profondeur dans la fosse des Mariannes. Autant dire qu'aujourd'hui, il n'y a peu ou prou plus un seul endroit du globe où du plastique ne s'est pas déposé. Alors que faire ? Interdire les plastiques à usage unique à l'échelle européenne est sans conteste un premier pas, mais que faire des milliards de tonnes déjà existantes, non recyclées, non incinérées ? Peut-on vraiment imaginer arriver un jour à un monde sans plastique ? Plastique, la fin d'un cycle, c'est le programme recyclable qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer cette question d'un horizon international déplastifié, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Valérie Guillard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avec nous en duplex depuis les studios de nos camarades de France Bleu Héros à Montpellier. Vous êtes enseignante-chercheuse à l'Université de Montpellier, professeure en génie des procédés appliqués au domaine du vivant. Et nous sommes ici depuis le studio de France Culture à la Maison de la Radio avec Laura Châtel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de campagne à l'association Zero Waste France. Vous pouvez nous suivre bien comme tous les jours en direct sur les ondes de France Culture, en régie comme un certain nombre de camarades qui sont venus assister à l'émission, en différé sur franceculture.fr et en podcast via votre application préférée, mais comme toujours en complément sur notre fil Twitter @laméthodefc. Et pour commencer, je voulais vous demander à l'une et à l'autre une réaction à cette étude présentée donc au début du mois à la conférence de l'Union européenne des géosciences sur la présence de ces microplastiques dans les glaciers alpins et pyrénéens. Laura Châtel. C'est toujours des études qui sont évidemment extrêmement choquantes, même si quelque part on le sait déjà, parce qu'il y a une accumulation aujourd'hui des études qui démontrent que on retrouve des microplastiques dans les abysses, on en retrouve dans les excréments humains. Il y a une étude autrichienne qui l'a montré aussi. Donc on commence à prendre conscience de cette omniprésence de la pollution plastique autour de nous, un petit peu partout. Mais ces études sont toujours importante pour montrer que c'est très concret, que aujourd'hui voilà les déchets plastiques sont partout et que la présence de microplastiques un petit peu partout autour du globe est le résultat direct du fait que l'on envoie toujours plus de déchets plastiques dans la nature. Pour détailler cette étude et ces deux études qui se sont succédées à peu de temps pour ce qui concerne les glaciers alpins, 300 particules de microplastiques ont été retrouvées sur un fragment de glace de 4 kilos, ce qui à l'échelle du glacier supposerait 162 millions de particules apportées principalement par des vêtements d'alpinistes, donc localement. En revanche, dans les Pyrénées, c'est un autre phénomène, c'est du plastique ou des microplastiques qui sont transportés par la neige, c'est-à-dire qu'il neige littéralement des particules de plastique dans les montagnes, Valérie Guillard. Oui. C'est vrai que c'est une étude qui confirme un peu toutes les autres et puis le fait que finalement ces plastiques, ces matériaux, ces microplastiques ont contaminé toutes les couches et tous les compartiments géologiques. Ça ne fait que confirmer les premières études. Juste en complément de ce que disait Laura Châtel, c'est vrai que le plastique est actuellement considéré comme un marqueur stratigraphique de l'Anthropocène. C'est une ère géologique post-18e, où on considère que l'homme a des interférences avec les cycles géologiques, avec les cycles naturels. Donc le plastique sera un marqueur de cette époque. Et donc ça le confirme vraiment. Donc ça confirme aussi qu'il y a des flux et des diffusions de microplastiques via l'atmosphère, via l'environnement, via des circuits que l'on ne soupçonnait pas encore, donc via la neige en particulier dans ce cas-là. C'est-à-dire que pour le dire d'une autre façon, Valérie Guillard, un marqueur stratigraphique, ça veut dire que pour les futures générations, pour les futures civilisations dans 1000, 2000, 10 000 ans, nous ne serons plus là, peut-être en 100 000, peut-être 1 million d'années, quand on regardera la constitution de la roche, quand on fera des carottages de glace, la marque de notre civilisation, ce sera qu'on trouvera du plastique. Des résidus, oui. Oui. Laura Châtel ? Oui, alors par contre, ce qu'on sait moins pour compléter, c'est quel est l'impact aussi sur notre santé en fait de cette omniprésence de microplastiques dans l'environnement, et notamment quel est aussi l'impact sur notre santé à plus court terme, parce que les microparticules de plastique, c'est un fait. Par contre, ce qu'on sait moins, c'est quels étaient les additifs présents dans ces plastiques. Parce que le plastique, c'est souvent un produit qui est constitué d'un polymère, d'une molécule, mais aussi d'un certain nombre d'additifs qui vont donner ses caractéristiques au plastique. Et ces additifs, ça peut être des antimicrobiens qui sont en fait des pesticides, hein, pour les appeler clairement. Ça peut être des retardateurs de flamme qui peuvent avoir des effets cancérigènes. Donc, que se passe-t-il quand ces plastiques-là se retrouvent dans l'environnement? Est-ce que ces additifs sont relargués? Quels sont leurs impacts sur l'environnement et sur notre santé? Et quels vont être l'impact de ces effets cumulés, on va dire, sur le temps un petit peu plus long? Ça, c'est encore, je pense, un domaine un petit peu plus d'incertitude. Moi, j'ai pas connaissance d'études scientifiques qui évaluent clairement ce risque, mais on sait qu'il existe. Valérie Guillard, vous le disiez, hein, ça veut dire qu'aujourd'hui, à l'échelle du globe, il n'existe plus une seule, on imagine en tout cas, ou on peut conférer qu'il n'existe plus une seule zone géologique qui n'ait pas été contaminée d'une manière ou d'une autre par des microplastiques. En fait, les déchets plastiques ne connaissent pas vraiment les frontières. Donc, ils diffusent un peu partout dans tous les environnements, que ce soit sur les continents, mais via les océans. Et donc, du coup, on en retrouve effectivement, et cette dernière étude le prouve, sur les glaciers, un peu partout, effectivement. Et on va dur d'avoir une zone qui serait vraiment exempte, hein, de ce marqueur microplastique. On pense évidemment aux océans. On peut noter ou rappeler en tout cas que quand on pense à ces fameux continents de plastique, hein, qui sont des vortex que l'on trouve aujourd'hui dans tous les grands océans du globe, avec des concentrations de microplastiques extrêmement élevées, on peut rappeler, et je parle sous votre contrôle à l'une et à l'autre, que la partie flottante des plastiques que l'on retrouve en milieu océanique, c'est 1% des plastiques qui arrivent dans l'océan. Le reste tombe sur donc les planchers océaniques. Valérie Guillard, vous confirmez ce chiffre? Oui, je confirme en fait. C'est vrai que dans les océans, donc, on a actuellement 2-3% des plastiques qui sont accumulés sur la planète. Ça veut dire que le reste, c'est sur les terres, c'est enfoui dans des décharges contrôlées ou peu ou pas contrôlées. C'est sur les continents, c'est dans notre environnement quotidien. Il n'y a pas que l'océan. On va poser une question simple qui est en fait un peu la question qu'on imaginait poser à la fin de la mission. Mais est-ce qu'aujourd'hui est-ce qu'aujourd'hui la recherche nous permet de penser qu'il est possible d'envisager un monde qui serait très largement déplastifié, ou est-ce qu'on a atteint, Laura Châtel, une sorte de tipping point, de point de non-retour qui fait que, compte tenu de l'ensemble des matières plastiques qui sont produites, on n'a plus les moyens de les retirer aujourd'hui des différents écosystèmes qu'ils ont pollués? C'est assez difficile à déterminer, clairement, pour tout ce qui est microplastique, c'est-à-dire des déchets plastiques qui se seraient déjà dégradés. Là, il va sans doute être difficile de les faire disparaître de l'environnement. Tout ce qui est déjà dans l'environnement, d'une certaine manière, va sans doute y rester. La question, c'est plutôt que fait-on dans l'avenir et comment est-ce qu'on fait en sorte de fermer ce robinet à pollution le plus rapidement possible? Parce qu'aujourd'hui, la réalité, c'est que la tendance est un petit peu à l'inverse de ce constat un petit peu terrifiant que l'on pose. C'est-à-dire que la production de plastique continue d'augmenter de manière absolument exponentielle chaque année. Chaque année, on produit plus de plastique que l'année précédente. Donc on n'est pas vraiment même sorti de cette problématique avant même de se poser la question d'un environnement complètement déplacé. Je pense qu'il faut se poser la question de comment on met un terme à cette pollution. Valérie Guillard. Oui, je confirme sur ces propos. C'est qu'effectivement, on continue de produire toujours plus. On en est à 300 millions de tonnes à l'échelle de la planète, 60 millions en Europe. C'est des taux de croissance de 15-20%. Des taux de croissance sur l'industrie plastique de 15-20%. On en utilise presque la moitié pour faire de l'emballage. Des produits à très courte durée de vie qu'on va très vite jeter. Ça va devenir très très vite un déchet, et actuellement au niveau de ces déchets, on continue à les accumuler, que ce soit sur Terre ou dans les océans, etc. Donc il faut vraiment inverser la tendance et fermer le robinet, effectivement. Trouver des alternatives pour vraiment agir sur ce que l'on continue de consommer, de produire et de jeter annuellement. La méthode scientifique, Nicolas Martin. À 16h10, dans la méthode scientifique, nous parlons donc des plastiques, des microplastiques, de comment essayer, comme on vient de l'entendre, non pas d'en interrompre la production, ce qui semble pour le moment difficile, mais en tout cas de constituer une forme de cycle de recyclage, d'un cycle vertueux qui permettrait d'en freiner la production annuelle. Nous en parlons avec Valérie Guillard et Laura Châtel. Peut-être pour commencer, finalement, puisque on marque souvent, hein, quand on parle de la production de plastique, à l'échelle industrielle, on dit souvent que l'année zéro, c'est 1950, pour des raisons que vous pourrez expliciter, mais c'est vrai que le plastique, pendant les Trente Glorieuses, à la sortie de la guerre, eh bien, c'est une grande victoire de la technologie, des sciences et de l'industrie. Écoutez cette archive, nous sommes en 1956. Les matières plastiques appartiennent à un groupe de substances dont la constitution est connue depuis peu de temps. Alors que la plupart des substances naturelles et synthétiques qu'utilise ou prépare l'industrie chimique, sont formées de molécules constituées d'un très petit nombre d'atomes, quelques dizaines ou une centaine. Les matières plastiques appartiennent au groupe des composés à molécules géantes, dont la constitution correspond à des enchaînements atomiques de plusieurs milliers, voire de plusieurs dizaines de milliers d'atomes. C'est l'énormité de leurs molécules qui donne aux matières plastiques des propriétés mécaniques tout à fait particulières, ainsi d'ailleurs qu'aux fibres textiles et au caoutchouc, dont la synthèse également a fait des progrès considérables dans ces dernières années. Voilà, extrait de la Tribune du Progrès, donc en 1956, sur la radiodiffusion française. Valérie Guillard, ce plastique, effectivement, il est très utile, il coûte très peu cher, il est issu pour la plupart de l'industrie pétrolière. De quoi parle-t-on? De quel type de plastique parle-t-on aujourd'hui dans ce qui est la production mondiale et la surconsommation de plastique que nous vivons en ce moment? Alors, ce qui est consommé régulièrement en grande quantité, en fait, il y a peu de plastiques différents. Il y a quelques 6 à 7 résines différentes qui vont être consommées majoritairement pour des applications de type emballage plastique. Donc, on va parler de polyéthylène, de polypropylène, de polyéthylène téréphthalate, cette molécule qui nous permet de faire nos bouteilles d'eau que l'on connaît. C'est des plastiques qui vont être produits en grande quantité, c'est vrai, à des faibles coûts et dont la gestion de fin de vie en tant que déchet est actuellement non résolue. Non résolu parce que bon, on va discuter, hein, des questions de recyclage, mais tous ces plastiques, Laura Châtel, ils n'ont pas la même durée de vie, ils n'ont pas le même rapport au temps, ils ne se désagrègent pas de la même façon. Est-ce qu'il y a des plastiques qui sont particulièrement toxiques, qu'on retrouve partout, qui sont plus toxiques que d'autres, ou au contraire d'autres plastiques que l'on sait mieux réutiliser, mieux recycler que d'autres? Alors, c'est pas tant une question de type de résine plastique que de type de produit fabriqué à partir de ces résines plastiques, hein, parce que c'est sûr que le plastique aujourd'hui sert à fabriquer à peu près tout. On en trouve dans l'automobile, on en trouve dans la construction, on en trouve dans les emballages. Et ces produits issus de matières plastiques vont avoir des durées de vie très différentes. Quand vous faites une fenêtre en PVC, a priori, elle est là pour durer en tout cas quelques dizaines d'années, on peut l'espérer. Quand vous faites un emballage en PVC, alors ça arrive de moins souvent, mais c'était comme ça qu'on faisait les bouteilles il y a une vingtaine d'années, et bien là c'est de l'usage unique, donc c'est prévu pour durer très très peu de temps. Donc c'est vraiment plus une question de comment le produit est conçu et pour quelle durée de vie est-ce qu'il est conçu qu'une question vraiment de résine. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'évidemment le plastique a cette particularité que effectivement il est léger, il ne se casse pas quand il tombe par terre, par contre il est difficilement réparable une fois qu'il est cassé, hein. On a tous été face à, je sais pas, un jouet d'enfant. Une fois que le plastique est cassé, c'est quand même plus difficile à réparer. Donc il y a cette difficulté. La deuxième, c'est qu'il est relativement peu cher. La matière plastique est peu chère. Donc le développement du plastique a quand même globalement accompagné le développement d'une conception des produits à usage unique, jetable. Pas que à usage unique, mais aussi globalement de produits à plus faible durée de vie, qui étaient jetables, remplaçables. Qui étaient pensés pour durer un petit peu moins longtemps, hein, même dans le domaine des jouets, des goodies par exemple commerciaux, des stylos Bic. Enfin, c'est des produits des petits cadeaux qu'on donne comme ça facilement, qui sont produits à voilà, à grand nombre, à très peu de frais qu'on donne quand on est une marque pour fidéliser ses clients, ces choses comme ça. Etc. Donc, ils sont, ouais, exactement. Ils sont moins conçus pour durer longtemps en général. Ce qui est intéressant, c'est que on va voir que c'est une question centrale. Laura Châtel vient d'évoquer, Valérie Guillard, le faible coût de production du plastique. Effectivement, le plastique, c'est très peu cher à produire, mais si on ne prend en compte que la stricte charge économique de la production, est-ce qu'il n'y est pas temps, justement, de penser autrement le coût de production du plastique en y intégrant son coût de recyclage, son coût de réintégration à un cycle ou son coût éventuellement même environnemental? Est-ce que ça a un sens économique? Oui, tout à fait, ça a un sens économique, surtout que là, on dit que le plastique, les polymères plastiques sont peu coûteux. Effectivement, on est sur une industrie qui est actuellement bien installée, où tous les circuits de production sont quelque part rodés. Donc il y a très peu de coûts, des coûts très faibles de fabrication, de mise en œuvre. On n'intègre pas du tout dans le coût, lorsqu'on met en œuvre une matière plastique, qu'on la transforme, qu'on la met sur le marché, on ne prend pas en compte du tout le coût après du traitement de cette matière, effectivement, et notamment ses impacts environnementaux, mais à long terme. On sait, en général, on voit au bout d'un an, deux ans, si cette matière peut être utilisée ou pas. Mais le fait qu'elle puisse s'accumuler un jour dans notre environnement, se transformer en microplastique, en nanoplastique, qui auront des effets sur la santé, ça, on ne peut pas le quantifier actuellement. On ne le sait pas. Donc, intégrer le réel coût de l'impact à long terme de ces matériaux plastiques, il faudrait le faire, mais comment l'évaluer? Ça, c'est un premier point. Je vais vous reposer la question que je posais à Laura Châtel aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des types de plastique, des résines particulières qui sont plus problématiques que d'autres, qui se dégradent plus lentement, que l'on retrouve plus facilement partout? Je pense notamment, on dit que les bouteilles en plastique sont un vrai fléau, qu'on en retrouve partout, que c'est peut-être l'un des plus grands fléaux. Est-ce que c'est l'usage, en fait, qui fait le fléau, ou est-ce que c'est la nature de la résine? Alors, la nature de la résine, quelle que soit la résine plastique, elle mettra au moins 200 ans, 300 ans, 400 ans à se dégrader complètement en petits morceaux. Donc, on est vraiment au tout début du phénomène. Et c'est un petit peu une bombe à retardement qu'on a mis en place sur Terre. Parce qu'on a beaucoup accumulé beaucoup de ces matériaux. Après, c'est surtout l'usage que l'on en fait. Parce que c'est vrai que la bouteille d'eau, elle est nomade, on la trimballe, on l'emmène en pique-nique, etc. On peut la perdre, la disperser facilement. Donc si on n'est pas, on s'astreint pas à une collecte et après des déchets de manière très rigoureuse, c'est très facile de retrouver ces bouteilles dispersées dans notre environnement. Autre chose, on a aussi exporté notre mode de consommation du tout plastique vers des pays qui finalement n'étaient pas prêts à gérer, à recevoir ces déchets plastiques et à les gérer. Et du coup, on a créé également des catastrophes environnementales dans d'autres pays, Asie du Sud-Est, etc., avec des accumulations de plastique et de bouteilles plastiques dans l'environnement qui sont phénoménales. Justement, à ce propos, les principaux producteurs, les principaux pays, d'une part, les principaux producteurs de matières plastiques, et d'autre part, les principaux consommateurs? Laura Châtel, on a une idée? Alors, pour ce qui est de la production, aujourd'hui, c'est la Chine qui produit le plus de matières plastiques, suivie par l'Europe et les États-Unis qui se défendent pas mal en la matière. Donc, en l'occurrence, l'aspect production est plutôt bien réparti. C'est souvent, d'ailleurs, les groupes pétroliers qui produisent aussi du plastique. Les plus grands producteurs européens, ce sont des groupes comme Total, comme Ineos, qui est un groupe anglais, etc. Donc, c'est très, très lié au secteur de la pétrochimie de manière générale. Et pour ce qui est des consommateurs, et ben, c'était d'ailleurs un enseignement assez intéressant de l'étude du WWF qui montrait que ce sont quand même, la consommation de plastique est quand même liée au niveau de vie, et que donc les pays les plus consommateurs sont aussi en général les pays les plus riches. Ce qui bat un petit peu en brèche l'idée que la pollution plastique ne serait que le problème des pays en développement, même si bien sûr l'absence de système de gestion des déchets, comme le disait Valérie Guillard, dans les pays en développement, entraîne le fait que ce sont des pollutions quasiment directes. Le déchet plastique se retrouve directement dans la nature. C'est ça, c'est une sorte de biais de perception, Valérie Guillard, parce que c'est vrai que les statistiques sont très très claires. Les pays à haut revenu produisent 10 fois plus de déchets plastiques que les pays à faible revenu. Et pourtant, on a tous en tête ces images de rivières de plastique qui coulent dans des villes à faible revenu d'Asie du Sud-Est. On a tous l'idée de ces images du Sahara ou de déserts qui sont recouverts de sacs plastiques volants. C'est juste un prisme déformant, ou c'est aussi une réalité? C'est aussi une réalité. Alors, je n'ai pas voulu dire que les pays pollueurs étaient finalement les pays qui n'avaient pas de système de collecte de déchets bien avancé. C'est les plus gros consommateurs sont les pays occidentaux, c'est l'Europe, les États-Unis, etc. C'est nous qui polluons le plus, qui consommons le plus. C'est pas l'apanage des pays en voie de développement. Après, est-ce que je pense qu'on est responsable aussi d'avoir exporté ce mode de fonctionnement et de consommation du tout plastique, et que c'est aussi à nous de prendre notre part de responsabilité et d'aider les pays qui sont face à ce problème actuellement alors qu'ils ne l'avaient pas anticipé ou pas autant que nous. Voyez, nous, on utilise les matières plastiques depuis les années 50. Il y a eu un essor dans les années 60, etc. On a commencé à parler de tri sélectif à partir des années 70. Et de mettre en place des solutions de tri, etc. On s'est structuré au niveau du tri, de la collecte à partir des années 90. Là, on est à exporter un mode de consommation où tout est emballé dans des emballages plastiques, dans des pays qui, du coup, accèdent à ces produits en n'ayant pas mis en place les structures après de gestion des déchets. Donc là, le phénomène est amplifié parce qu'on exporte notre façon de faire sans forcément l'accompagner. Vous voyez ce que je veux dire ? L'accompagner avec les... Oui, bien sûr, évidemment, avec les circuits. Bon, on va parler de recyclage dans un instant. Ouais. Laura Châtel. Tout à fait. Non, mais je voulais renchérir sur ce que disait Valérie Guillard, qui est très vrai. C'est-à-dire que il faut pas non plus regarder ces pays-là en se disant c'est terrible ce qui se passe, parce que ce sont souvent nos modes de vie et nos entreprises aussi, des entreprises qui ont leur siège en France, en Suisse, etc., qui ont exporté, et notamment des entreprises d'agroalimentaire. Nous, là, je vais reprendre ma casquette d'ONG. On fait partie d'un mouvement international qui s'appelle Breakthrough from Plastic, qui réunit une coalition d'ONG à travers le monde, qui a fait un grand audit, et notamment dans les pays en développement, qui a essayé de ramasser les déchets trouvés sur les plages et d'identifier quelles marques étaient derrière cet emballage. Et on a trouvé le top 4 des plus grands pollueurs, si on peut les appeler ainsi, de la planète, c'est Coca-Cola, PepsiCo, donc deux entreprises américaines, et ensuite Nestlé et Danone, une entreprise suisse, une entreprise française. Donc là, c'est vrai qu'on a une vraie responsabilité, nous aussi en tant que consommateurs de ces marques-là, de les interpeller sur leur action. Alors vous venez de le dire, Valérie Guillard, on va parler de ce qui nous concerne pour le moment, mais évidemment avec un regard panoramique sur l'ensemble des pratiques autour de la planète, mais on dit depuis les années 90, en France, en Europe, dans les pays à fort revenu, eh bien, il y a des systèmes de tri sélectif qui sont mis en place, des systèmes de recyclage. Or, quand on parle de recyclage des matières plastiques, quand on est consciencieux et qu'on met ces emballages plastiques dans la petite poubelle jaune pour les habitants parisiens, par exemple, dont je fais partie, on se dit « Ah ben, ce plastique-là, ça va aller, il va être recyclé. » Or, pas du tout. La moitié des emballages plastiques mis sur le marché ne sont pas recyclés. Comment ça se fait ? Oui, c'est vrai que le recyclage, on a l'impression de faire une bonne action en mettant effectivement dans notre poubelle jaune. Alors les limites du recyclage, c'est qu'actuellement, sur tous les plastiques usagés qui sont collectés, il n'y en a que 14% qui sont vraiment effectivement recyclés. Donc on en perd beaucoup dans le processus de recyclage, à peu près 4%. Et sur le reste après, beaucoup vont être recyclés, ce qu'on appelle en circuit ouvert, c'est-à-dire pour des applications qui sont autres que la première application de départ, qui est celle de l'emballage. On va faire des pulls, par exemple, ou des salons de jardin, etc. Et finalement, une fois que ce produit sera usé, ça va devenir un déchet. Donc là, on a un recyclage de matière, mais qui va s'arrêter très vite. Et puis finalement, le reste, les quelques pourcents qui restent, vont vraiment être recyclés, ce qu'on appelle en circuit fermé, et redonner un matériau utilisable comme du plastique neuf pour refaire, par exemple, de l'emballage plastique. Mais là, ça concerne moins de 2% des plastiques usagés. Et les limites, finalement, à ce développement du plastique recyclé, c'est bien des problèmes technologiques, techniques derrière, de mise en œuvre de ce recyclage. Il faut collecter, trier la matière, le plastique, mais il faut aussi le décontaminer. Il va falloir aussi le repolymériser, parce qu'en fait, cette matière se dégrade lorsqu'on la décontamine. Donc, après, pour pouvoir la remettre en œuvre, il va falloir lui redonner sa structure de départ. Donc, tous ces procédés sont coûteux. En temps, argent, et ont un impact environnemental finalement non négligeable. Et puis, par ailleurs, le risque chimique, l'innocuité, l'inertie chimique du matériau, à la fin, n'est jamais total. Donc, le recyclage est actuellement face à une limite qui concerne vraiment le problème de contamination chimique des matériaux plastiques pour les réutiliser dans des usages alimentaires, emballage alimentaire par exemple. Donc effectivement, très peu de plastiques qui sont actuellement recyclés. Ça concerne essentiellement nos bouteilles en PET, bouteilles d'eau, bouteilles de soda, où là, il y a une filière qui est mise en œuvre. Mais sur qui sont bien recyclées, celles-là. Ouais. Oui, c'est ça. C'est vraiment la résine qui est bien recyclée et une filière qui fonctionne actuellement. On collecte 50% des bouteilles plastiques à travers les poubelles jaunes, etc. En France, il y a peut-être moins d'une bouteille sur 10 qui redeviendra bouteille. Et ça, c'est un peu la limite actuelle qu'on n'arrive pas à dépasser. Pour des raisons de sécurité du consommateur derrière, de contamination chimique, etc. Donc ça veut dire qu'il faut trouver d'autres voies de valorisation derrière pour le reste et il n'y a pas forcément les filières, les marchés adéquats. Laura Châtel sur le recyclage. Oui, effectivement, le recyclage est vraiment face à de nombreuses limites. On le voit typiquement dans le domaine de l'emballage, qui est peut-être le domaine où il est le plus urgent de développer le recyclage, parce que comme c'est de l'usage unique, on a énormément de déchets d'emballage. Et là, les difficultés, elles sont multiples, c'est-à-dire c'est des difficultés déjà au niveau du tri. Au niveau du centre de tri, comment fait-on pour distinguer les différents types de résines plastiques, les différentes couleurs d'emballage, etc. C'est des processus qui sont parfois très très poussés. Par exemple, une barquette noire dans laquelle on va emballer de la viande, par exemple, souvent pour des raisons marketing d'ailleurs, l'emballage noir donne un aspect luxueux, etc. Et ben cet emballage noir, il va potentiellement pas pouvoir être identifié en centre de tri avec les machines de tri optique. Et donc, vous avez un emballage qui s'arrête à cette étape. Là. Et puis ensuite, vous avez d'autres limites. Vous avez les limites techniques de recyclage au niveau du recycleur. Le recycleur ne va pas pouvoir recycler tous les types d'emballages. Par exemple, vous avez des emballages, des barquettes qui vont contenir différents types de résines plastiques. Donc là, une fois que vous avez cette barquette en main, il est impossible de distinguer les différents types de résines. Vous ne pourrez pas le recycler. Puis la troisième difficulté, c'est une fois qu'on a recyclé le plastique, la matière, ce qu'on appelle la matière première recyclée, la matière issue de ce recyclage, qu'est-ce qu'on peut en faire et qui est susceptible de l'accepter ? Et là, on a énormément de freins. On a des freins économiques parce que la résine vierge est assez peu chère. Donc, il faut que tout votre processus de recyclage n'ait pas coûté très cher non plus pour avoir une matière première recyclée qui n'est pas chère. 924 euros la tonne de recycler, à recycler, en fait, contre 540 euros la revente de plastique secondaire. C'est ça? C'est des chiffres c'est qui... C'est ça. Alors, ça dépend beaucoup des résines, en fait, etc. Enfin, on est quasiment du simple au double, en tout cas, entre le coût de production d'un plastique recyclé et le coût d'achat de la matière recyclée. Effectivement, oui. Et puis, c'est vrai qu'il y a ces freins économiques, mais en fait, il y a aussi des freins sanitaires, comme l'expliquait Valérie Guillard, c'est-à-dire matière première recyclée, quelle est la certitude qu'elle ne contient pas d'additifs qui seraient dangereux pour la santé et donc qu'on peut l'utiliser pour du contact alimentaire, par exemple. Et puis ensuite, il y a des enjeux de qualité. Est-ce que la matière première recyclée, elle va être de la même qualité que la matière vierge? Et là, c'est pareil. Ça veut dire que, par exemple, il faut que le plastique soit tout aussi transparent si vous voulez en faire une bouteille que le plastique vierge. Donc, il faut qu'il n'ait pas été mélangé avec des plastiques différents, avec des couleurs, etc. Donc, tout ça, c'est vraiment une accumulation de limites qui confirme le fait que, à mon sens, le recyclage ne sera pas l'unique solution, qu'il va falloir terriblement progresser sur la conception pour réduire la diversité des types de plastiques qu'on utilise et puis terriblement avancer sur la réduction de l'usage unique, faire en sorte qu'on en utilise moins tout simplement. On va revenir sur le changement des usages. J'aimerais juste qu'on ajoute un mot pour conclure cette première partie et sur effectivement les impasses nombreuses que rencontre le recyclage de ces matières plastiques. C'est que il faut dire que pendant très longtemps, Valérie Guillard, l'Europe s'est débarrassée de ces matières plastiques à direction de l'Asie et notamment de la Chine, qui a fermé ses frontières aux déchets plastiques européens l'année dernière. Oui, effectivement, si on avait la filière de collecte, de tri, c'est bien mise en place en Europe et en France notamment. Toute la filière après post-traitement de ces plastiques triés, elle n'était pas en Europe. En fait, elle a toujours été développée en Chine, en Asie et en Chine en particulier. Donc c'est la Chine qui récupérait les ballots de plastique usagés triés et qui les retraitait. Alors c'est vrai que depuis un an et demi, la Chine a durci en fait ses critères de qualité sur les imports de ballots de plastique usagés et donc refuse énormément de l'eau. Donc en fait tous nos déchets qu'on envoyait, déchets plastiques qu'on envoyait systématiquement en Chine pour être traités et réutilisés en fait sont refusés. Donc on est face finalement à nos propres déchets et il faut que l'on trouve finalement et qu'on adapte des filières pour pouvoir les retraiter. Où ça a été réparti sur d'autres pays d'Asie du Sud-Est. Hein, la Thaïlande a vu son taux de plastique augmenter de 1370. La Malaisie, c'est devenu le premier importateur mondial de déchets plastiques. Enfin, c'est des chiffres qui sont fous. Malheureusement, effectivement, il y a eu des marchés, d'autres marchés parallèles qui se sont créés sur des pays qui sont moins exigeants sur cette qualité de matière première. Et donc, qui acceptent des plastiques plus souillés, plus contaminés et qui vont pouvoir les retraiter. Mais ça ne fait que décaler le problème. Laura Châtel ? Oui, effectivement, il y a eu ces problèmes-là. Il y a eu aussi les problèmes, alors plutôt aux États-Unis, d'arrêt de la collecte des déchets recyclables, tout simplement parce que les villes américaines avaient pris l'habitude, pour des raisons économiques aussi, puisque ça coûte trop cher de recycler aux États-Unis, de tout exporter en Chine, et donc la Chine fermant ses frontières, il y a eu, dans certaines villes américaines, arrêt du tri. Et là, bon, le message aussi envoyé aux citoyens est quand même assez fort. Hein. C'est de dire, on ne sait plus recycler ces emballages-là. Jeter tout dans la même poubelle. Merci pour ces belles roses. Merci, cher Benjamin. Mais elles sont drôles et roses. Elles n'ont pas de parfum. Ce sont des roses artificielles, presque aussi belles que naturelles. Pas comme les roses qui nous piquent, ce sont des roses de plastique. Tes roses sont écloses pour toujours, Benjamin. Sans que je les arrose, elles n'en ont pas besoin. Ce sont des roses artificielles, presque aussi belles que naturelles. Pas comme les roses qui nous piquent, ce sont des roses de plastique. Plastique Roses de Pétula Clerc sur France Culture à 16h30, puisque c'est ce dont nous parlons, non pas des roses de plastique, mais du plastique en règle générale et de la façon dont on peut imaginer un cycle du plastique qui soit moins polluant et puis surtout moins en constante augmentation qu'il ne l'est aujourd'hui. Nous en parlons avec Valérie Guillard qui est avec nous en duplex depuis les studios de France Bleu Hérault, qui est enseignante-chercheuse à l'Université de Montpellier et professeure en génie des procédés appliqués au domaine du vivant, et avec Laura Châtel qui est ici avec nous et qui est responsable de campagne à l'association Zero Waste France. Mais comme tous les mercredis, à mi-parcours de l'émission, c'est l'heure de retrouver la recherche montre en main. Voilà, toutes les semaines, un doctorant ou une doctorante vient nous parler de ses travaux de recherche dans le domaine qui concerne l'émission. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Esteban Elias. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en deuxième année de thèse au laboratoire Rhapsody à l'école d'ingénieurs IMT Mines Albi, rattachée à l'école doctorale MEGEP. Vous travaillez sur la valorisation énergétique par gazéification d'emballages plastiques contaminés par des produits phytosanitaires. Bienvenue à la recherche Montre en main, on vous écoute. Alors bonjour à tous et merci de m'avoir invité à votre émission. Je m'appelle Esteban Egas et je travaille sur la valorisation de déchets, plus particulièrement d'emballages plastiques de produits phytosanitaires. Comme vous le savez sûrement, la France est une grande consommatrice d'engrais et de pesticides pour l'agriculture. Ces produits sont majoritairement stockés dans des bidons plastiques. Cependant, durant son stockage, il est possible que le produit migre au sein du plastique. Ainsi, même vidé, le bidon contiendra un certain pourcentage de molécules phytosanitaires. Ces produits sont souvent toxiques, voire cancérigènes. Il est donc peu recommandé de recycler ce déchet sans décontamination préalable. Mon travail consiste à étudier la décontamination et valorisation de ces déchets par gazéification. Cette méthode est une transformation thermochimique d'une matière carbonée. La matière est chauffée entre 800 et 1200 degrés sous une atmosphère contenant principalement de la vapeur d'eau et ou du dioxyde de carbone. Sous ces conditions particulières, les molécules vont se craquer, se fractionner et nous obtiendrons un mélange de gaz, principalement du monoxyde de carbone et du dihydrogène, ainsi qu'une fraction liquide et pour certains plastiques un résidu solide. L'intérêt de cette transformation est qu'elle permet de dégrader une matière complexe pour la transformer en un mélange de gaz simple. Ces mêmes gaz peuvent être convertis en vecteurs énergétiques comme l'électricité, la chaleur, le biométhane, l'hydrogène ou encore des combustibles liquides. Alors la difficulté et la nouveauté de la thèse résident dans le comportement des contaminants lors de la transformation. J'étudie des molécules qui peuvent contenir du chlore, du phosphore ou encore de l'azote. Des études montrent que ces atomes peuvent former des gaz très toxiques comme le cyanure d'hydrogène ou la phosphine lors de la transformation. Il faut alors comprendre leur évolution suivant les conditions de réaction afin de mieux prévoir leur devenir. Ils vont se retrouver dans la fraction liquide, dans le mélange de gaz, sous quelle forme vont-ils se présenter, est-ce que cette molécule est dangereuse, facile à traiter, etc. Une première partie de mon travail a été d'étudier l'extraction de contaminants provenant de déchets plastiques. J'ai pu comparer différentes méthodes d'extraction et j'en ai conclu que si la contamination était profonde au sein des plastiques, alors un simple rinçage n'était pas suffisant pour décontaminer le déchet, même avec des solvants suffisamment agressifs. J'ai donc cherché à contaminer manuellement des billes de plastique avec différentes molécules représentatives de la filière. Le but de cette démarche est de pouvoir contrôler le taux de la contamination d'un plastique par une espèce choisie. Une fois que j'aurai des échantillons de plastique contaminés, il faudra tester la gazéification. Pour cela, j'ai mis au point un procédé permettant de gazéifier le plastique et de récupérer les produits de la transformation en séparant les différentes phases, liquides, gazeuses et éventuellement solides. Je testerai ensuite cette méthode sur des échantillons plastiques non contaminés et contaminés. Je pourrai alors analyser les produits de la gazification afin de déterminer l'évolution des contaminants et leur influence sur le procédé par rapport à des plastiques non contaminés. Enfin, je pourrais me servir de résultats expérimentaux pour alimenter une modélisation d'un procédé complet de gazification de déchets plastiques allant jusqu'à la purification du gaz en hydrogène pour une application dans les transports ou dans l'industrie chimique. Cette modélisation a déjà été implémentée dans un cas idéal et pour des plastiques non contaminés. Il faudra par la suite intégrer dans le modèle mes résultats d'expérience afin de connaître le potentiel industriel d'une valorisation énergétique des déchets de bidons phytosanitaires. Mon travail se fait donc à plusieurs échelles, allant de la contamination contrôlée de plastique jusqu'à l'étude d'une implantation industrielle d'un procédé de gazification. La méthodologie utilisée est également extrapolable à d'autres filières comme celle des solvants ou des peintures. Merci de votre attention. Merci beaucoup Esteban Elias d'être venu nous présenter vos travaux de recherche. Une réaction, Valérie Guillard, Laura Châtel, est-ce que vous venez d'entendre Valérie Guillard pour commencer ? Oui, c'est vrai que ma première réaction, la chose, ça serait plutôt un souhait. Je me dis que dans un avenir proche, on devrait ne pas avoir ce genre de matériaux à décontaminer et à traiter. Je me dis dans une perspective de finalement un système de production plus vertueux, utilisant moins de pesticides ou uniquement à la marge, on ne devrait pas être confronté à ce genre de problème. Enfin, toujours est-il que c'est toujours pas le cas. Donc, effectivement, on est confronté à ce problème. Voilà, il y a l'existant. Alors effectivement, c'est une solution qui semble prometteuse, même si je ne connais pas la technologie qui est expliquée, hein, qui a été bien expliquée là en détail. L'utilisation des plastiques et des plastiques usagés pour faire du biocarburant, du biogaz, etc. C'est des choses qui, des technologies qui existent, qui ont été développées à l'étape de recherche. Après, je m'interroge sur la faisabilité après économique du procédé, et puis également, il a forcément un impact environnemental lui aussi. Est-ce que la faisabilité économique, ce n'est pas toujours un peu le problème, c'est de réussir à faire tomber ces méthodes de production à des coûts suffisamment bas pour qu'elles soient intéressantes à l'échelle industrielle, Laura Châtel ? Oui, bien sûr. Enfin, en tout cas, c'est un des problèmes. C'est vrai que le sujet de la décontamination des plastiques pollués est un gros sujet, parce qu'au-delà, là, on avait l'exemple des bidons, mais on pourrait étendre ça, par exemple, à tout ce qui est plastique qui contient des retardateurs de flamme, hein, donc tous les plastiques autour de nos appareils électroniques, par exemple. Donc, c'est un sujet. J'aurais tendance à être un petit peu d'accord avec Valérie Guillard sur aussi comment est-ce qu'on réduit en amont. Et peut-être aussi se méfier un petit peu des termes utilisés. Dans le monde des déchets, on utilise beaucoup le terme valorisation. Ça veut un petit peu tout et rien dire aujourd'hui. Et c'est un petit peu embêtant, en fait, d'utiliser continuellement ce terme valorisation pour ce qui relève plutôt, en fait, de la décontamination ou de la gestion d'un problème qui est important. Mais quand on parle du terme valorisation, on a aussi peut-être tendance à déresponsabiliser un petit peu les entreprises face à la pollution qu'elle provoque, le citoyen face au fait qu'on lui dit « vous inquiétez pas, tout est valorisé ». Donc voilà, moi, j'ai un point de vigilance sur ce terme valorisation. En général, quand vous l'entendez, il faut prendre un petit peu de recul avec quelle technologie il y a derrière. La question qui se pose maintenant, c'est que ces plastiques-là existent, on l'a dit, la production continue à augmenter, le recyclage n'est pas suffisamment optimal, ou en tout cas pas opérant de façon optimale. Quelles sont donc aujourd'hui les solutions qui sont disponibles ? Est-ce qu'il faut évidemment revoir la production de plastique à la source, donc du côté des producteurs, mais comment pousser les producteurs, par exemple, à produire systématiquement des plastiques ou des résines de plastique qui soient beaucoup plus facilement et décontaminables et recyclables? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a des solutions de ce côté-là, Valérie Guillard? Alors, en termes de réduction de l'utilisation des plastiques pour les usages, notamment en emballage, je pense que toutes les solutions sont bonnes. Il faut réduire. Donc, il faut favoriser la réutilisation, le recyclage quand il est effectivement efficace. Je pense qu'il faut privilégier aussi les solutions alternatives. Par exemple, des emballages qui seraient biodégradables, en conditions naturelles, en milieu marin, qui pourraient tout à fait être compatible avec des utilisations à courte durée de vie, comme l'emballage alimentaire par exemple. On utilise des emballages qui durent 400 ans alors que le produit a une durée de vie de 15 jours. Prenez une barquette de jambon, un steak, une barquette de steak, etc. Donc on pourrait travailler sur des solutions alternatives plus respectueuses de l'environnement et puis aider également au développement des solutions alternatives avec de l'incitatif de la part des gouvernements, par exemple. On pourrait imaginer aussi taxer l'utilisation des plastiques vierges qui ne seraient pas respectueux de l'environnement, donc pas recyclés, pas biodégradables, etc. Donc il y a des solutions, il y a beaucoup de solutions, c'est un panel de solutions qu'il faudrait mettre en place à notre échelle pour arriver à diminuer cette consommation et cette accumulation de déchets plastiques. Pousser par exemple les pouvoirs publics à forcer, à augmenter, à taxer la production de nouvelles matières plastiques, à rendre justement le coût du plastique plus élevé, donc moins favorable finalement à l'industrie, à l'économie. C'est une solution, mais quel gouvernement va vouloir entraver comme ça la marche d'une industrie qui pourtant aujourd'hui est une industrie rodée, florissante et qui tourne et qui a trouvé son modèle économique, quoi? Laura Châtel. Mais effectivement, l'idée de donner un prix au plastique qui soit un prix qui prenne en compte tous ces impacts, c'est intéressant. Ça pourrait permettre non seulement d'améliorer le recyclage, mais aussi de réduire sa consommation, d'avoir une consommation plus raisonnée, puisque le jour où le film plastique coûte plus cher, il sera peut-être un petit peu moins pertinent d'emballer une gomme pour le vendre dans un rayon papeterie avec, par exemple. Enfin, c'est aussi bête que ça. Donc en effet, c'est une des solutions parmi d'autres. Il y a aussi la solution de l'interdiction qui est un petit peu radicale, mais qui commence à être prise, qui paraît radicale, qui commence à être prise dans un certain nombre de réglementations. Au niveau européen, on peut rappeler 2020-2021 en deux temps, ce qui a été décidé et voté par la Commission, par le Parlement d'ailleurs. Après 2021, enfin au printemps 2021, il y a une dizaine de produits qui seront interdits. Ça devrait arriver un petit peu plus tôt en France. Plastique à usage unique, c'est-à-dire couvert, assiette en plastique, paille, etc. Voilà, alors essentiellement. C'est ça, c'est vraiment les produits en plastique à usage unique pour la consommation nomade principalement. Le point de départ de la Commission européenne, ça a été de dire qu'est-ce qu'on retrouve le plus sur les plages, en gros. Et donc, en fonction des produits qu'ils ont retrouvés, ils en ont interdit un certain nombre. C'est pas inintéressant non plus ces interdictions, parce que au-delà du, ça donne un signal, en fait, ça donne une orientation. Quand la France, dans la loi de transition énergétique, a prévu d'interdire les gobelets pour 2020, par exemple, on a vu, nous, à l'association Zéro Waste France, arriver beaucoup d'entrepreneurs qui avaient des idées pour concevoir des systèmes de gobelets réutilisables en entreprise, par exemple, pour faire en sorte que les salariés n'aient pas besoin de laver une tasse, même si dans l'absolu ça pourrait être une solution, mais voilà, d'offrir des prestations de services comme ça basées sur des contenus réutilisables. Donc ces interdictions, je trouve qu'elles sont très intéressantes dans l'orientation qu'elles donnent aussi à tout un secteur économique. Il y a un moment, il faut dire ça c'est fini, malheureusement on ne peut plus fonctionner comme ça, trouver autre chose. Et du côté de la recherche justement pour trouver de nouvelles façons de produire de l'emballage qui ne soit ni plastique, ni consommateur de denrées normalement dévolues à l'alimentation, parce qu'on a parlé des bioplastiques qui sont très critiqués parce qu'ils utilisent des ressources, ou en tout cas de l'espace, de la surface de culture agroalimentaire. Donc évidemment que produire de l'emballage ou produire de la nourriture, éthiquement, ça pose un certain nombre de questions problématiques. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes. Bonjour. Vous êtes allé faire un tour à Montpellier justement pour voir ce nouveau type d'emballage. Oui, j'ai rencontré quelqu'un que vous connaissez bien, Valérie Guillard, puisqu'il s'agit de Nathalie Gontard, qui est directrice de recherche au sein de l'unité ingénierie des agropolymères et technologies émergentes à l'INRA, donc de Montpellier. Depuis une trentaine d'années, Nathalie Gontard travaille au développement d'emballages alimentaires entièrement biodégradables, fabriqués à partir de déchets organiques transformés. Elle nous explique donc le processus de fabrication et de contrôle de ces emballages. Elle nous explique également pourquoi il est important de penser dans le même temps un développement à grande échelle de la production de ce type d'emballage. Alors, en fait, on travaille sur l'utilisation des résidus agricoles, mais aussi des résidus urbains. Donc, on travaille sur plusieurs sortes de résidus. Donc là, ce sont par exemple des résidus urbains qu'on récupère dans les parcs après nettoyage. C'est des résidus, pour le coup, végétaux organiques. Voilà, c'est exactement ça. Ce sont des résidus végétaux organiques. Donc, on travaille, là, par exemple, vous avez des pailles de blé. C'est un exemple ici. On utilise aussi des sarments de vigne, tous les résidus de fabrication du vin, etc. On utilise tout ce qui est effluent aussi, par exemple de lavage des huiles d'olive, ou effluent des industries laitières, ou effluent, enfin bref, tout ce qui est effluent liquide. Alors, les effluents liquides sont utilisés comme substrat de fermentation pour la production de polyhydroxyalkanoate. Et vous en avez ici, donc on peut le voir, ce sont des granulés blancs, tout simples, hein, et qui peuvent être ensuite transformés en plastique par thermoformage, c'est-à-dire qu'on va augmenter la température, et ce qui va rendre le matériau malléable, et on va pouvoir lui donner la forme qu'on veut. Donc là, concrètement, on voit un petit peu de la source à l'aboutissement, on voit des pommes de pin, des petites fibres de paille, etc. Et l'aboutissement, le résultat, c'est une boîte qui ressemble à une boîte Tupperware classique en plastique. Voilà, exactement. Sauf que cette boîte Tupperware, non seulement elle est recyclable, mais vous pouvez aussi la mettre dans votre jardin, elle va se dégrader avec vos déchets organiques. Alors j'insiste parce qu'il y a une grosse confusion actuellement, on parle souvent de compostable. Compostable signifie compostable en conditions industrielles. Là, c'est pas le cas, hein. C'est du vrai biodégradable en conditions naturelles. C'est-à-dire que si par mégarde, cette boîte finit dans la nature, elle ne polluera rien. Zéro problème. Elle va se développer comme n'importe quel déchet organique. Et pour réintégrer le cycle de la biodégradation, photosynthèse. Donc là, ça, c'est des barquettes de PHA. Et ensuite, pour réduire les coûts économiques de ces barquettes, on les mélange, donc c'est le cas ici, avec des résidus lignocellulosiques qui peuvent provenir justement des pailles de blé ou des sarments de vigne, etc. Et on obtient ces barquettes-là, donc ce sont les mêmes, mais un petit peu plus brunes, qui sont tout aussi biodégradables et qui ont un coût moins élevé, donc dont on espère du coup une entrée plus facile sur le marché des matériaux plastiques, parce que vous savez que les matériaux plastiques ne coûtent rien. Ça, c'est un sacré challenge. Alors, on peut espérer que ça ne dure pas, hein, que le vrai coût des plastiques soit appliqué, hein, en incluant le coût de l'impact environnemental, du traitement des déchets, etc. Mais c'est pas encore le cas. Donc, tous les matériaux qui se développent en concurrence de ces matériaux plastiques subissent de plein fouet le manque de réévaluation du coût de ces plastiques, enfin, du coût de traitement de ces déchets plastiques. Voilà. On va étape par étape, depuis ces pailles de blé jusqu'à cette boîte. Combien de temps se passe? Quel type de manipulation il faut? Et quel type, finalement, d'outillage en laboratoire vous avez besoin ici? Et est-ce qu'on peut les voir un petit peu, voilà, en termes de dispositifs? Les effluents liquides sont transformés en polyhydroxyalkanoate dans des fermenteurs. Ensuite, les autres produits, les pailles et les sarments de vigne, etc., subissent un simple broyage. En fait, c'est des systèmes de broyage. Donc, on a des halles. Alors ici, on travaille à l'échelle laboratoire, mais aussi à l'échelle pilote. C'est-à-dire qu'on a ici les labos. Et puis, on a l'échelle pilote où on va essayer de voir si nos procédés sont utilisables à une plus grande échelle, parce que souvent, entre faire quelque chose à toute petite échelle sur sa paillasse et puis ensuite essayer de voir si on peut transposer ça à une échelle plus grosse, puisque là on est en train de parler de technologies qui ont pour objectif de pouvoir être utilisées à grande échelle, c'est-à-dire pour produire des quantités importantes de matière, c'est pas forcément si simple. Donc on a besoin d'avoir ces deux types d'équipements, mais aussi de compétences, parce que là aussi en termes de compétences c'est différent. Où est-ce qu'on se situe ici et qu'est-ce que vous faites dans cette salle en particulier? Alors là, c'est une salle où on étudie ce qu'on appelle les propriétés fonctionnelles, c'est-à-dire l'aptitude de nos matériaux à conserver les aliments. Les aliments sont très très sensibles à la contamination extérieure par des micro-organismes, au gaz, à la présence d'oxygène, etc. Et donc l'objectif d'un emballage est de protéger l'aliment pour arriver à stopper ou au moins ralentir tous les mécanismes de dégradation de l'aliment. Et c'est comme ça qu'on arrive à mieux préserver la qualité de l'aliment. Et donc pour cela, on a besoin d'un emballage qui va être capable, par exemple, d'arrêter l'oxygène ou au contraire d'en laisser passer une certaine quantité quand on va s'adresser à la conservation des fruits et légumes frais. Et donc dans cette salle, on étudie toutes les propriétés de transfert de matière de nos matériaux. Donc là, par exemple, ce sont les barquettes. On travaille. Alors quand on étudie nos matériaux, on les étudie en conditions réelles et sur produits réels. Là, on travaille beaucoup sur la conservation des fraises, par exemple. Voilà, et donc là, ça en est un exemple de machine où on va mettre nos produits en barquettes. Du coup, nous, on essaie d'avoir une vision globale pour créer des matériaux qui vont pouvoir répondre aux besoins d'une gamme la plus large possible de produits alimentaires. Un autre type de labo ici. Donc là, ce sont des équipements pour évaluer les migrations, parce qu'un emballage... Migration, qu'est-ce qu'on entend ? Alors, migration, ce sont des petites substances qui peuvent migrer du matériau d'emballage vers l'aliment, parce qu'en fait, l'aliment reste en contact un temps relativement long pendant sa conservation avec le matériau. Et donc, l'emballage est une des principales sources de contamination de l'aliment avec les produits utilisés en agriculture, pesticides, etc. Donc, vous avez déjà entendu parler des perturbateurs endocriniens, du BPA... Bon, voilà. Ces choses qui, pour le coup, sont problématiques avec le plastique. Ouais, avec le plastique. Mais c'est pas parce qu'un matériau est biodégradable qu'il ne peut pas poser de problème de ce type-là. C'est-à-dire que les migrations peuvent avoir lieu aussi. Et donc, les efforts portent sur la conception, c'est-à-dire quelles sont les substances que l'on introduit dans le matériau d'emballage lui-même. Et ensuite, regarder donc les transformations aussi, parce qu'il y a des substances qui apparaissent au cours tout simplement du stockage de l'emballage, de la conservation de l'aliment, etc. Et donc, du coup, développer des emballages biodégradables ne nous empêche absolument pas de travailler et de vérifier la sécurité de ces matériaux lorsqu'ils sont au contact. Et bien entendu, ça passe par l'étude des migrations. C'est très, très important pour nous. On évoquait tout à l'heure le fait que ces emballages sont biodégradables. Comment, justement, vous calculez, prévoyez la biodégradation et la vitesse de biodégradation ? Est-ce qu'on a une idée un petit peu de la vitesse de biodégradation d'une de ces boîtes que vous m'avez montrées ? La biodégradation est dépendante de l'environnement, du type de sol, de la température, de l'humidité, de tout un tas de paramètres. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on compare cette vitesse de dégradation à un matériau qui est considéré 100% biodégradable, qui est de la cellulose, des matériaux à base de cellulose. Donc en fait, on compare à chaque fois et on fait en sorte que nos matériaux aient les mêmes vitesses de dégradation. Alors souvent même la vitesse de dégradation de nos matériaux est supérieure à celle des matériaux qui sont considérés parfaitement biodégradables. Alors peut-être pour vous donner une ordre d'idée... Nos matériaux, par exemple, si on les met ici dans un sol, même si c'est en plein hiver, au bout de quelques mois, ils ont complètement disparu. Alors, attention, hein, c'est parce qu'un matériau disparaît à l'œil qu'il n'y a plus rien. Donc, évidemment, on vérifie qu'il n'y a plus de particules et que le matériau a été entièrement transformé en un élément... de type O, CO2, etc., qui peut ensuite repartir dans le cycle de la photosynthèse. Voilà, la création de ce type de nouveaux matériaux entièrement biodégradables, recyclables. Une réaction, Valérie Guillard, à ce que vous venez d'entendre ? Oui, alors... Je connais très bien ces matériaux, je connais très bien les travaux qui ont été faits dessus, puisque je travaille avec Nathalie Gontard sur Montpellier, sur le développement de ces nouveaux matériaux biodégradables, biodégradables en conditions naturelles, y compris en environnement marin. C'est important, puisque c'est quand même un sujet d'actualité, qui sont issus de ressources non alimentaires. On va utiliser des résidus, des déchets de nos activités agricoles, agroalimentaires pour pouvoir les produire. Ils sont produits avec des biotechnologies et non plus de la chimie. C'est pas de la chimie des polymères, c'est de la bio derrière. Et puis ils sont adaptés aussi à l'usage qu'on veut en faire. Donc on travaille sur de l'emballage alimentaire. Donc ils vont aider aussi à la conservation du produit. Parce que souvent on oublie que l'emballage dans le domaine de l'alimentaire, il a aussi son rôle, hein, même si on en utilise trop dans certains cas. Pour beaucoup d'applications, il aide à conserver le produit, il maintient ce produit dans une atmosphère protectrice qui permet d'éviter d'ajouter les conservateurs directement dans le produit. On allonge la durée de vie, on limite les pertes alimentaires, le gaspillage alimentaire, donc il y a quand même un bénéfice d'usage à utiliser de l'emballage en alimentaire. Et ce bénéfice, il faut pouvoir le conserver, bien sûr. La question, c'est toujours la même, c'est-à-dire que ce type de matériaux, on a le sentiment, et pour avoir fait d'autres émissions autour du plastique dans la méthode scientifique, qu'il y a beaucoup de recherches qui produisent ce type de matériaux, mais que ça reste à l'échelle d'un laboratoire, que ça reste à l'étape expérimentale et qu'on a du mal à passer au processus industriel. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, Laura Châtel, pour réussir à trouver ce type d'emballage dans mon frigidaire, dans mon supermarché? Alors, c'est important qu'il y ait de la recherche là-dessus. Il y a aussi déjà aujourd'hui quelques applications, quelques mises sur le marché, hein, de produits dits bioplastiques, alors qu'ils sont souvent plutôt des plastiques compostables. Hein. Je pense que les points de vigilance ont bien été rappelés dans le reportage, c'est-à-dire qu'il faut faire attention à quelles ressources on utilise pour produire ces plastiques. Il ne s'agit pas de substituer avec des matériaux qui auraient d'autres effets contre-productifs. Il faut bien aussi être vigilant sur la fin de vie. Qu'est-ce que va devenir ce matériau? Et c'est sûr que l'idéal, c'est qu'il soit recyclable. Et s'il est compostable, il faut qu'il soit mis dans la bonne filière de compostage, ce qui nécessite là aussi des infrastructures, des filières, le bon geste de tri. Donc tout ça n'est pas forcément une solution, on va dire, miracle pour tous les emballages plastiques. Donc j'appelle quand même à la vigilance sur les produits qui sont d'ores et déjà mis sur le marché et qui sont vendus souvent sous la forme de plastique végétal. Hein, vous l'entendez de plus en plus souvent, l'emballage est végétal, l'emballage est compostable. Bon, ça veut dire que il faut le composter. Ça veut dire qu'il faut que vous le mélangiez avec vos déchets organiques et ça parte vers une plateforme de compost industriel, ce qui n'est pas à la portée de tout le monde puisque beaucoup de gens n'ont même pas de solution aujourd'hui de tri de leurs déchets organiques chez eux. Donc voilà, il y a aussi, non seulement il y a la question de comment est-ce qu'on passe à l'échelle industrielle, mais comment est-ce qu'on on intègre ces nouveaux matériaux dans les systèmes de gestion des déchets. Comment est-ce qu'on s'équipe pour gérer ces déchets-là? En un mot, et pour conclure, Valérie Guillard, on l'a dit, on l'a posté hein, sur le fil Twitter de l'émission, c'est vrai que la France n'est pas très bonne élève de l'Union européenne pour ce qui concerne le recyclage de ces déchets, notamment des matières plastiques, des bouteilles en plastique. Aujourd'hui, ça veut dire que la responsabilité, elle est individuelle? La responsabilité vis-à-vis du tri des déchets? Vis-à-vis du tri, vis-à-vis de la consommation de matières plastiques, vis-à-vis de non, c'est tout ce que c'est une responsabilité individuelle. C'est responsabilité individuelle et collective. On est tous embarqués dans ce même combat contre l'accumulation du déchet plastique. Et toutes les solutions doivent intervenir à toutes les échelles. L'échelle du consommateur, qui doit devenir éco-responsable. Il y a aussi au niveau des collectivités, dans tout ce qui concerne la gestion de fin de vie des déchets, au niveau des gouvernements, etc. Merci beaucoup. Ce sera malheureusement ce sera collectif et individuel. Le mot de la fin, puisque nous arrivons au terme de cette émission. Merci beaucoup Valérie Guillard, merci Laura Châtel, merci à Esteban Elias qui nous a présenté ses travaux de recherche. Merci également à nos camarades de France Bleu Hérault à Montpellier pour le duplex. Merci également à toute l'équipe de la méthode scientifique, Antoine Beauchamp, Éléonore Pérez, Céline Lezen, Eve Etienne, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Olivier Bétard à la réalisation, Emmanuel Morse d'Incan à la technique. Et dans le prochain épisode de la méthode scientifique demain, nous sommes tout chose puisque nous allons enfin passer une heure avec l'un des auteurs de science-fiction français les plus passionnants. Il sort son nouveau roman 15 ans après son chef-d'œuvre La Horde du Contrevent. Alain Damasio sera notre invité demain pour le jour de la sortie donc de ce nouveau roman Les Furtifs aux éditions La Volte. Ne ratez pas ça, c'est demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.